Et à la fin, quand on retire ce sixième doigt, c'est là que c'est le plus intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Oui, c'est ça. Les gens sont tellement habitués qu'après, ils y tiennent finalement à ce sixième doigt. Alors les casques de réalité virtuelle, la plupart du temps, jouent sur le son et l'image, mais ça suffit pour nous transporter ailleurs avec des applications parfois surprenantes, comme ici à l'hôpital de Purpan à Toulouse. Lisa doit subir une ponction lombaire. L'examen est particulièrement douloureux et redouté. Elle va porter un casque de réalité virtuelle et s'immerger dans un univers bien éloigné de l'hôpital. Ça déstabilise le personnel, hein. Faire des soins sans dire un seul mot dans la chambre, alors qu'avant on est obligé de dire « je nettoie ta peau ». Là, on ne dit plus rien. L'enfant est complètement immergé, il a du son dans les oreilles, il a ses images devant lui, il a une télécommande. Elle, ça lui permet d'être focalisé sur autre chose, de ne pas y penser, donc on voit qu'elle est calme. Après, on arrive à la positionner parfaitement. Bah, c'est parfait, parce que pour le geste... C'est plus facile. Hop là ! Bonjour. À la fin du soin, Lisa paraît totalement détendue. Allez. C'est toujours un petit peu stressant parce qu'on sent qu'ils vont mettre les doigts, qu'ils vont piquer. Après, comme on est concentré dans le jeu, enfin, ça va, on sent rien. Utilisée pour l'instant au CHU de Toulouse sur les enfants, la réalité virtuelle pourrait bien être proposée aux adultes. En France, des tests ont été réalisés dans la prise en charge des phobies, des addictions, ou même pendant des accouchements. Un reportage diffusé sur France 3 en juin 2018, ces casques de réalité virtuelle. Alors là, ça peut éviter l'anesthésie, ça peut être utilisé à d'autres fins thérapeutiques. On n'est pas uniquement là pour jouer avec ces casques de réalité virtuelle. Oui, c'est vraiment ce que j'essaie d'illustrer dans mon livre aussi, c'est que ces technologies-là, elles ont des effets, des applications qui peuvent être extrêmement intéressants dans plein de domaines différents. Donc notamment dans le domaine médical, où là on y croit beaucoup, effectivement, il y a déjà des applications, ça le grand public n'est pas toujours au courant, hein, mais là je trouve le reportage est très parlant, des applications dans le domaine des traitements des douleurs, effectivement les phobies, où c'est très utilisé. Pour les phobies, en fait, il s'agit de nous confronter à ce qui nous fait peur, mais avec une certaine distance grâce à la réalité virtuelle. Voilà, c'est le principe des thérapies comportementales cognitives, où on va essayer de s'exposer progressivement aux éléments anxiogènes. Et en réalité virtuelle, on peut contrôler ça parfaitement et on peut s'exposer dans des conditions complètement sécurisées. Et on va apprendre progressivement à domestiquer, à vivre avec cette peur. Anatole Lécuyer, vous avez aussi mis au point des dispositifs qui permettent de contrôler un objet par le cerveau ou encore de voir son cerveau fonctionner en se regardant dans un miroir. Vous allez nous emmener visiter ces mondes virtuels cet après-midi sur France Inter. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world. Immersed in sin is all we have to give these visions. Virtual Insanity, c'était Jamiroquai. France Inter, du vent dans les synapses. Oh, le vaisseau, nous ne pourrons plus le récupérer. Quelle certitude as-tu? Mettre faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Voyage vers le futur, ses préparatifs pour être un Jedi et soulever un vaisseau par la seule force de la pensée. Une technique qui utilise le cerveau pour commander un ordinateur. Mais pour que ça marche, il faut être très concentré. On se dit des choses et ça le fait pas. En fait, c'est bizarre à contrôler. On se pose des questions quand ça marche. Puis c'est assez drôle de voir que ça marche comme ça. Le principe, utiliser le champ électrique produit par le cerveau lorsqu'il imagine un mouvement. Tu penses bouger les pieds, d'accord? Alors, je lui ai mis tout ça pour capturer ses ondes cérébrales. En fait, donc c'est pour capturer l'activité de son cerveau. Et c'est ce qui permet, en fait, c'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir une interaction entre le cerveau et la machine. Soulever un vaisseau en se concentrant, c'est dans votre laboratoire, Anatole Lécuyer, que l'on expérimente ces dispositifs de réalité virtuelle. Alors, vous êtes l'auteur, Anatole Lécuyer, de « Votre cerveau est un super-héros » aux éditions Humaine Science, et vous y écrivez dans ce livre que ce stage que vous avez proposé est le plus extravagant jamais publié dans votre équipe. Voici l'intitulé « Virtual Dagobah, simuler l'entraînement à la télékinésie de Luke Skywalker en réalité virtuelle ». Ça, c'est un stage qu'un étudiant est venu faire dans votre laboratoire. Qu'est-ce qu'il a dû mettre en place? Bah là, c'était, ouais, on s'est vraiment amusé avec ce stage. C'était un peu la consécration de tout un travail qu'on menait depuis des années sur ces interfaces neuronales dont on pourra parler, qui permettent effectivement de contrôler à distance uniquement par l'activité cérébrale, pas par la pensée, on pourrait y revenir, mais par son cerveau. Et l'illustrateur final d'un projet assez complexe qu'on a mené pendant des années, c'était effectivement de pouvoir reproduire cette séquence de la guerre des étoiles que vous avez venu de diffuser, qui moi m'a marqué quand j'étais enfant. Et donc j'avais envie de recréer cette scène et cette séquence, et on l'a fait avec une équipe d'ingénieurs et de développeurs formidables. C'était la séquence où Luke, le héros de la guerre des étoiles, essaye de soulever un vaisseau spatial par la force de son esprit. Et donc là, on a technologiquement réussi à le faire. Ouais. Alors, il faut qu'on décrive le dispositif, hein, parce que l'auditeur qui n'a pas l'image peut être un peu perdu. On est dans une salle d'immersion de réalité virtuelle, c'est-à-dire une salle sur laquelle il y a des écrans sur les quatre murs et un écran au sol. Comme le cave dont je parlais au tout début, donc cette grande salle immersive. Là, cette fois-ci, on a un casque à électrodes sur la tête. Donc on a les lunettes stéréo comme au cinéma, on est dans la scène reproduite en 3D fidèlement de la guerre des étoiles, et puis on a ce casque à électrode, ce bonnet à électrode sur la tête qui enregistre votre activité cérébrale, qui l'analyse en temps réel et qui essaye d'identifier quand est-ce que vous vous concentrez ou quand est-ce que vous vous reposez. Et il faut se concentrer très fort pour arriver à soulever le vaisseau spatial. C'est pour ça que vous dites on ne pilote pas avec la pensée, parce que ces électrodes, elles ne mesurent pas vraiment notre pensée, elles mesurent une activité électrique du cerveau. Oui, c'est important de faire cette nuance-là et cette différence, de bien clarifier qu'on n'est pas en train de lire dans les pensées, de déchiffrer les rêves. Ce sont des questions que j'ai assez souvent. Non, là, en fait, on va vraiment essayer d'analyser l'activité électrique du cerveau. Et dans cette activité électrique du cerveau, essayer d'identifier des motifs, des activités qui vont servir ensuite à commander quelque chose. Alors ces expériences, c'est un peu comme dans la guerre des étoiles, ne marchent pas avec tout le monde. On peut disposer ces électrodes sur la tête de tout le monde aux mêmes endroits. Certains arrivent à faire bouger le vaisseau par l'activité cérébrale, d'autres n'y arrivent pas. Ben, c'est mon drame en fait. Moi, je ne suis vous pas, n'y arrivez pas, voilà, par exemple. Je ne suis pas un Jedi avec ces technologies-là. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas très bien avec moi. Mais alors, c'est intéressant, pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous dites, alors c'était une autre expérience, il fallait déplacer un objet sur un écran, mais à la Cité des Sciences, on a proposé à des visiteurs de mettre le casque à électrode et puis de faire bouger un petit point, et certaines personnes n'y arrivaient pas et disaient « je ne suis pas assez intelligent pour y arriver ». Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Ça nous désolait vraiment, parce que et ça montre à quel point il faut expliquer et faire un travail pédagogique autour des technologies, puisque là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans l'intelligence. Et la faute n'incombe pas au sujet, donc là c'est pour ça que je me sens pas très affecté à l'idée de pas être un Jedi technologique. Ouais. C'est plutôt le système aujourd'hui qui n'est pas encore capable de s'adapter à tout le monde. Et il va falloir du coup que nos technologies s'améliorent pour que ça puisse marcher avec tout le monde et que tout le monde devienne un Jedi. Alors avec ces casques à électrodes, vous avez aussi mis au point un dispositif qui permet d'écrire un mot uniquement en se concentrant. Ça fait appel aux mêmes technologies, ça ? Ce sont les mêmes technologies. Ensuite, ce sont des activités cérébrales qui sont un petit peu différentes que celles qu'on a utilisées juste avant. Donc là, ce sont des collègues de l'INSERM, l'équipe qui était dans le projet avec nous, qui a développé ce formidable éditeur de texte par le cerveau. Ouais. On va se concentrer sur des lettres qui flashent à l'écran. Il faut se concentrer sur ces lettres. En fait, on va détecter le moment où, dans votre activité électrique, on retrouve une réponse à une lettre qui clignote à l'écran. Alors ce dispositif pourrait aider des personnes lourdement handicapées pour lesquelles la communication avec l'extérieur est devenue difficile. Cet appareil d'écriture par la pensée est testé dans un hôpital de Lyon. Stéphane, tétraplégique, mettra près de 5 minutes pour écrire bonjour. Il doit se concentrer d'abord sur une lettre. Lorsqu'elle apparaît sur l'écran, elle produit une stimulation enregistrée par l'ordinateur, ce qui permet de former des mots. Une révolution. Les populations qu'on vise, c'est des gens qui sont bloqués dans leur corps, donc qui n'ont plus aucun contrôle musculaire. Et donc pour eux, le dernier moyen de communication, c'est leur cerveau. La même chose, l'outil est encore très rudimentaire et les chercheurs travaillent à améliorer le concept. Une expérimentation menée à Lyon. Où en est cette recherche aujourd'hui, Anatole Lécuyer ? Sur ce sujet-là, le nombre de publications est en train vraiment d'exploser. On a beaucoup de laboratoires qui se positionnent sur cette question-là. Et puis aussi des industriels hein, qui revendiquent aussi une activité sur ces technologies d'interface neuronale. Donc les choses avancent. Elles avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait et certainement pas aussi vite que les personnes qui en ont le plus besoin. En l'occurrence, on évoque les patients qui sont vraiment entièrement paralysés le voudraient. On essaie de travailler aussi bien sur les capteurs, les électrodes, que sur le traitement des signaux et l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, sur la compréhension des mécanismes du cerveau. Donc il y a plein de sujets scientifiques derrière et c'est un sujet qui va encore nous intéresser pendant les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Alors dans votre laboratoire, vous ne cessez d'innover en créant de nouvelles interfaces entre le cerveau et la machine. Vous avez aussi développé par exemple le Mind Mirror, un miroir pour regarder son cerveau fonctionner en temps réel. Ça marche comment ça ? Donc là, c'était, à ma connaissance, l'un des tout premiers dispositifs technologiques qui combinait ces interfaces neuronales dont on vient de parler, et puis la réalité augmentée. On vient superposer des éléments virtuels avec les images réelles, par exemple dans des vidéos. Donc là, on avait envie de donner la possibilité à l'utilisateur, aux gens, de se regarder dans un écran et un miroir technologique, et de pouvoir voir son cerveau en action, à l'intérieur de sa tête. Donc vous êtes le matin devant le miroir en train de vous débarbouiller ou de vous laver les dents et vous pouvez regarder en fait ce qui se passe au niveau de votre cerveau dans votre tête à vous. Mais concrètement, je vois ma tête et en transparence, je vois des zones de mon cerveau qui est figurée par une image au niveau de mon crâne qui s'allument et qui m'indiquent en temps réel comment j'active mon cerveau ? Voilà, alors c'est en fait, il faut s'être équipé préalablement quand même d'un bonnet à électrode et puis du coup on va enregistrer l'activité électrique de votre cerveau et puis on va afficher cette activité électrique sur un modèle virtuel de votre cerveau, une image virtuelle de votre cerveau qui va changer de couleur par exemple lorsque une zone s'active plutôt qu'une autre. Et ainsi on peut révéler par exemple l'activité de votre cortex moteur ou alors des phénomènes liés à votre attention visuelle. Lorsque vous êtes très détendu ou relaxé aussi, vous allez avoir une belle onde alpha qui va se propager avec un joli nuage rouge qui va apparaître dans votre cerveau, par exemple. Et ça pourrait servir à quoi ? Oui, alors là, c'est vraiment une application qui nous tient à cœur parce que c'est derrière ces technologies-là, effectivement, qui peuvent paraître très futuristes et pourtant qui existent. Hein. L'idée, c'est à nouveau des applications médicales. Donc là, on est dans le domaine du neurofeedback. C'est un terme peut-être un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est de dire, avec un retour sur son activité cérébrale, qu'on voit pas le matin, parce que quand on se lave les dents le matin, on n'a pas le cerveau en action en face de vous dans le miroir. Mais même si on n'a voit pas le cerveau en action tout court, parfois, quand on se réveille le matin. Voilà, donc si, à partir du moment où, pour le coup, vous verriez votre cerveau en action, il se passe un phénomène assez étonnant, c'est qu'on trouve en nous les connexions cérébrales pour prendre le contrôle de ces ondes qui sont affichées visuellement, et on va progressivement trouver les moyens de contrôler certaines ondes cérébrales. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que certaines ondes cérébrales sont liées à des pathologies. Et donc, on va pouvoir, en reprenant le contrôle de ces ondes, dans certains cas, soigner et guérir de certaines pathologies. Ouais, alors, on parle de quelles pathologies, là ? Il y a beaucoup, beaucoup de pathologies qui sont visées, hein, mais les tests les plus concluants portent sur les déficits attentionnels. Vous savez, quand on a du mal à se concentrer, à rester, à garder son attention très longtemps, ça peut toucher malheureusement des enfants qui sont dans une situation de TADA, de trouble de l'attention, de l'hyperactivité, du déficit attentionnel. Et ce qui semble être le plus intéressant pour ce neurofeedback, c'est effectivement l'idée de proposer à ces enfants de regagner progressivement un contrôle sur cette attention et, on l'espère, dans certains cas, supprimer l'utilisation du médicament. C'est-à-dire, on apprend à contrôler la façon dont fonctionne son cerveau. Voilà, à l'écran d'ordinateur est affichée une jauge qui va monter ou descendre selon, par exemple, votre onde alpha. Ouais. Et à vous de faire monter la jauge ou de la faire baisser, selon la consigne qui est donnée par le médecin à côté de vous. Eh bien, au bout d'un moment, vous allez trouver les moyens en vous de faire monter ou descendre la jauge à volonté. Et dans certains cas, donc pour certaines pathologies, contrôler cette onde cérébrale est supposé, et on a quelques éléments cliniques là qui semblent bien le démontrer dans le cas du déficit attentionnel, est supposé réduire les symptômes de la pathologie. Et concrètement, dans le cerveau, l'onde alpha, elle correspond à quoi ? Alors l'onde alpha, on peut l'observer, c'est la toute première onde cérébrale qui a été observée dans les années 1930 par l'inventeur de l'électroencéphalogramme Berger. C'est une onde qui arrive dans votre cerveau, par exemple, si vous fermez les yeux. Donc vous avez un pic d'alpha à ce moment-là. Si vous êtes très détendu, votre alpha va augmenter. Si vous commencez à vous endormir, là, votre alpha va aussi augmenter certainement. Mmh. Donc apprendre à émettre cette onde alpha avec notre cerveau, c'est apprendre à se détendre finalement. Oui, on pourrait résumer ça comme ça. Ouais. Vous avez aussi combiné deux techniques d'imagerie, l'IRM et puis l'électroencéphalogramme. Ça permet de regarder son cerveau sous toutes les coutures, en quelque sorte. Alors là, c'est un projet vraiment très excitant en ce moment, qui est dirigé par Christian Barillot à Rennes, et j'ai la chance de participer avec lui à cette aventure scientifique. Donc là, pour une des premières fois au monde, on va effectivement essayer de combiner EG-IRM. Donc l'IRM, je ne sais pas si vous avez déjà connu cette expérience-là, c'est cette grande bobine électromagnétique dans laquelle vous rentrez la tête ou le genou pour sortir ces images de l'intérieur des tissus de votre corps humain. Eh bien, on va combiner ces deux techniques d'imagerie en même temps, en temps réel, à des fins de neurofeedback, et cette fois-ci pour des pathologies comme l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, ou la dépression, en collaboration avec des médecins rennais. Les premières études ont démarré avec des patients, et les résultats sont très encourageants. En fait, il s'agit de mettre en place une forme de rééducation du cerveau, c'est un peu ça votre idée ? C'est ça, on va essayer de rééduquer son cerveau, un petit peu comme quand on essaye d'apprendre à danser, on va se regarder dans le miroir et corriger la posture, corriger le geste. Là, on va regarder son cerveau en action et essayer de corriger l'activité cérébrale. Alors, à force de connecter nos cerveaux aux machines et de construire des environnements virtuels plus vrais que nature, est-ce qu'on ne va pas arriver à ça ? Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel ? Qu'est-ce que le réel ? Un extrait du film Matrix, Anatole L'Écuyer. Vous terminez votre ouvrage en disant que la question « jusqu'où peut-on aller ?» est une question que tous les journalistes vous posent et que vous refusez d'y répondre. Alors, je biaise un peu avec cet extrait de Matrix. Est-ce qu'on ne va pas finir comme les personnages de Matrix, tous reliés à des machines, évoluant dans un monde virtuel ? Ça restera de la science-fiction ou on pourrait y arriver un jour ? Je pense qu'on en est très très loin, on est vraiment très très loin de cette capacité technologique-là. Par contre, c'est vrai que ce que je dis dans le livre, c'est que je pense qu'effectivement les technologies qu'on développe, elles ont vocation à se mélanger, à s'hybrider et à donner des casques aujourd'hui hybrides qui vont combiner électrodes et affichage de réalité virtuelle pour, moi je pense, des applications qui sont très intéressantes dans le domaine de

Daniel Fievé. Et pour la revue d'actu scientifique de la semaine, autour de la table, Carole Châtelain de Science et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Nous troublons la vie par le souci de la mort et la mort par le souci de la vie. L'une nous cause du regret, l'autre nous effraie. Ce n'est pas contre la mort que nous nous préparons, c'est une chose trop momentanée. Un quart d'heure de souffrance passive, sans conséquence, sans dommage, ne mérite pas des préceptes particuliers. À dire vrai, nous nous préparons contre les préparations à la mort. Extrait des essais de Montaigne. Qu'aurait dit le philosophe s'il avait su que plus de 4 siècles après sa mort, il serait au cœur d'une véritable enquête? Au départ de cette enquête scientifique, il y a une découverte étonnante, Carole Châtelain. Oui, il y a le résultat d'une grande curiosité de la part du nouveau directeur du musée d'Aquitaine à Bordeaux, qui, prenant ses fonctions, est descendu dans les sous-sols de ses réserves. Et là, qu'est-ce qu'il a découvert? Eh ben, un étrange édifice qui était pris dans les étagères de ses réserves, et il s'est demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Et la personne a su lui répondre. Donc, en bon curieux qu'il était, il a fait percer 2 petits trous dans cet édifice, il a fait passer une petite caméra, et là, il a aperçu un cercueil, et mieux que ça, sur le cercueil, une plaque de cuivre qui indiquait M de Montaigne. Mmh. Alors là, son sang n'a fait qu'un tour et tout a été mis en place pour monter une équipe scientifique pluridisciplinaire pour aller y voir de plus près. Mais on avait perdu la trace de Montaigne avant cela? On ne savait plus où était son tombeau? Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, on ne savait plus où était Montaigne. Montaigne est bordelais d'origine. Il est mort en 1592 dans son château de Michel de Montaigne, qui n'est pas très loin de Bordeaux. Il a été élu 2 fois maire de Bordeaux et il a été, à sa mort, il a été enterré dans un couvent qui est au cœur de la ville, qui était le couvent des Feuillants. Et ce couvent a eu des vicissitudes. Il a été transformé en lycée, puis il est devenu la faculté des lettres et sciences. Et puis, depuis, il est devenu le musée d'Aquitaine. Entre-temps, la dépouille de Montaigne a navigué plus ou moins au gré de ses aléas. Et il a fini dans un cimetière, le cimetière des Chartreux à Bordeaux, dont on l'a rapatrié au XIXe siècle pour l'inhumer dans ce qui était alors la faculté des lettres et sciences. Et là, ben aussi étonnant que ça puisse paraître, mais il a disparu des mémoires, donc plus personne ne savait que la dépouille de Montaigne pouvait se trouver là. Alors en quoi va consister maintenant la mission scientifique qui a été conduite ces jours-ci? Alors, la mission scientifique, elle est très simple. Elle consiste d'abord à geler la scène en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle a été reconstituée en 3D. Puis, le petit édifice a été ouvert. On en a retiré un cercueil en bois. Et ça s'est passé tout à fait récemment, au début de cette semaine, le 18 novembre. Et puis, sur ce cercueil en bois, et incroyable, on a vu effectivement une mention Michel de Montaigne peint en lettres rouges. Les scientifiques, évidemment protégés de leur combinaison pour éviter toute contamination, et l'équipe est dirigée par Hélène Réveillas du Centre d'archéologie préventive de Bordeaux, a ouvert ce cercueil très bien conservé de bois de chêne, et à l'intérieur, eh bien, à la surprise, ils ont découvert un cercueil de plomb. Alors, assez abîmé. Et ils ont été voir à l'intérieur du cercueil de plomb et ils ont aperçu des ossements. Ces ossements, on va pouvoir les analyser? Alors justement, ils ont aperçu un fémur, ils ont aperçu un crâne. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que ils vont mettre en place tout un protocole pour ouvrir ce cercueil de plomb et ils vont analyser pour essayer de retirer l'ADN qui pourrait éventuellement rester dans ces ossements pour le comparer aux descendants de Montaigne, parce que Montaigne a des descendants, mais c'est très compliqué de les retrouver, parce qu'il faut suivre les lignées féminines. Les modifications génétiques sont moins importantes dans les lignées féminines. Donc, ça sera peut-être fait, ça sera peut-être positif, on le saura dans quelques mois. Et parallèlement, on fait des constatations morphologiques, c'est-à-dire on regarde si le squelette est grand. Alors, visiblement, il n'est pas grand. Mm-hmm. Le cercueil fait 1m60. Montaigne disait qu'il était d'une taille un peu en dessous de la moyenne, donc ça pourrait correspondre. Son cœur a été prélevé au moment de son inhumation, on le sait, donc normalement, c'est qu'à sa cage thoracique devrait être sciée. Et puis, il a fait de multiples chutes de cheval, dont une assez grave, on pourrait éventuellement retrouver les séquelles. Et il souffrait d'une maladie malheureusement extrêmement douloureuse, des petits cailloux dans la vessie. Des calculs rénaux, voilà, et il est peu probable, enfin pourquoi pas, retrouver quelques-uns de ces petits cailloux. Voilà, l'enquête va se poursuivre. Oui, l'enquête ne fait que commencer et on aura la certitude que c'est Montaigne ou que ce n'est pas lui un jour, combien de temps? Dans quelques mois. Le seul risque que les scientifiques courent, c'est qu'il y ait eu confusion dans le retour de la dépouille au 19e siècle, que ce soit quelqu'un de sa famille qui a été rapatrié. Mais a priori, 99%, on peut espérer que c'est bien Montaigne. Ce n'est que vers la fin des années 60 qu'un satellite d'observation américain détecte un sursaut gamma pour la première fois. Une découverte qui va ouvrir la voie à un tout nouveau champ de recherche en astronomie et en astrophysique. Mais pourquoi les sursauts gamma sont-ils si importants pour les astronomes ? Voilà une question. 60 ans après leur découverte, les sursauts gamma font encore l'objet de toutes les attentions des scientifiques. Et deux d'entre eux viennent de battre un record d'énergie, Sophie Becherel. Oui, leur énergie atteint 1000 milliards de fois celle de la lumière visible, celle du Soleil par exemple. Effet surprenant, ces phénomènes cosmiques ont été détectés cette fois-ci depuis le sol. Précisément depuis un télescope basé en Namibie, le HESS, et un autre situé sur les îles Canaries, MAGIC. Alors pourquoi c'est une information importante ? D'abord parce que les sursauts gamma, en dépit de leur énergie, sont furtifs. Rappelons qu'ils sont générés lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent ou quand une étoile massive type supernova meurt. Juste avant l'explosion, la matière centrale de l'étoile se contracte et forme un trou noir. Et de ce trou noir s'échappe alors un faisceau étroit de matière qu'on peut se représenter comme la lumière d'un phare, de chaque côté si vous voulez. Et donc ce flash lumineux très bref, très intense, eh bien c'est ça le sursaut gamma. Donc dans le cas présent, deux événements ont été détectés, l'un en juillet 2018, survenu à 6 milliards d'années-lumière, et un autre capté en janvier de cette année, 4 milliards d'années-lumière. L'énergie des photons collectés allait jusqu'à 1 téraélectronvolt, ça veut dire 1000 milliards d'électronvolts, et ce sont donc les plus énergétiques jamais détectés. Ça correspond à 1000 milliards de fois la lumière visible. C'est-à-dire que cette lumière, on dit que c'est de la lumière, mais c'est pas de la lumière que notre œil pourrait percevoir. Non, ça n'est exactement. C'est dans une gamme, donc les rayons gamma, gamme que l'œil ne peut pas détecter. Alors, hormis le niveau d'énergie inégalé, en quoi cette découverte a-t-elle surpris les astrophysiciens ? Alors, c'est le fait que ça a été détecté au sol et surtout le décalage par rapport à l'événement. Petit retour en arrière, comme le disait l'archive, c'est en 1967, en pleine guerre froide, que les Américains ont détecté les premiers sursauts gamma grâce aux satellites. À ce moment-là, ils cherchaient à vérifier si l'URSS de l'époque ne procédait pas à des essais nucléaires dans l'atmosphère. Et donc, ils ont compris, plus tard, en 90, que ces phénomènes, ces flashs lumineux, venaient du cosmos et de très loin. Et donc, en l'occurrence, ce sont des satellites, Vigie, on pourrait dire, Swift et Fermi, deux satellites de la NASA, qui ont d'abord repéré ces deux sursauts gamma dans le ciel. Et comme capter un sursaut gamma, c'est un peu comme quand vous voulez photographier une étoile filante. Il faut être déjà regardé dans le bon axe, puisque le phénomène est aléatoire, et puis ensuite il faut avoir l'appareil photo prêt à déclencher. Et donc là, les satellites servent de vigie, et puis ensuite, hop, ils alertent les télescopes au sol. Et donc c'est ce qui s'est passé. HESS en Namibie a repéré le sursaut gamma 10 heures après. Pour MAGIC, ça n'était seulement qu'une vingtaine de minutes après. C'est donc très très longtemps après. Comment expliquer cela ? Eh bien en fait, ce qui a été capté, c'est la rémanence de la lumière. C'est-à-dire que les photons si énergétiques qui ont été captés viennent pas directement du sursaut gamma, mais d'un phénomène qui s'est produit après, au moment de l'explosion de l'étoile, c'est du moins l'hypothèse que formulent les scientifiques. L'explosion s'est accompagnée d'une onde de choc. Cette onde de choc a agi sur les particules cosmiques comme le ferait un chasse-neige. Mmh. Elle a accéléré les particules, ce qui a généré ce rayonnement aussi énergétique qu'on a capté. Ça s'est passé très très loin de nous, toute cette histoire, oui, Sophie Becherel. 4 milliards d'années et 6 milliards d'années. Oui, d'années-lumière. D'années-lumière, ce qui veut dire que l'univers à ce moment-là avait cet âge-là. Donc vous voyez, il n'était pas du tout comme aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il pourrait se produire un tel événement à proximité de nous ? Tout à fait. En juillet de cet événement, pas forcément un sursaut gamma, mais oui, il y en a des beaucoup plus proches. Dans notre galaxie, la constellation du Crabe, un événement très énergétique a eu lieu, a été capté cet été. Et on risque rien ? Non, on risque rien, ne vous inquiétez pas. Ça va, rassurez-moi. Mais peut-être va-t-on, avec ces sursauts gamma, en apprendre plus sur les rayons cosmiques qui arrivent jusqu'à nous. En bref, dans le reste de l'actu scientifique, Carole Châtelain, le séquençage du génome du ver du diable, le ver qui repousse les limites de la vie. Oui, alors c'est quelque chose d'extraordinaire que les scientifiques ont découvert. C'est un tout petit ver de 2 mm qui est l'unique organisme pluricellulaire à vivre à plus de 4 km sous nos pieds. On ne pensait pas que c'était possible. Ah oui. On savait qu'il y avait des bactéries qui pouvaient vivre dans des conditions aussi difficiles parce qu'il y fait une chaleur dantesque. D'ailleurs, ce ver, on l'a appelé de son nom latin Mephisto parce qu'il fait penser à ce démon qui résiste à peu près tout. Et le génome vient d'être séquencé et on a découvert qu'en fait, il a mis en place dans son génome, tout un tas de stratégies pour résister à la chaleur et puis pour s'adapter à un environnement totalement hostile alors qu'il ne peut pas bouger. Et là, il coule des jours heureux à plus de 4 km donc sous nos pieds. Impressionnant ce verre. Sophie, Elon Musk a un don pour les effets de manche. Il fascine et une fois de plus, il est parvenu à faire pas mal de buzz autour de son pick-up électrique aux lignes futuristes. Mais vous, Sophie Becherel, vous avez vu cette semaine une autre facette des exploits d'Elon Musk. Oui, vous allez dire que je suis un esprit chagrin, mais effectivement, alors que tout le monde s'ébaudit du Cybertruck, là, aux vitres soi-disant incassables, mais qui quand même ont été fissurées cette semaine, eh bien qui parmi nous a repéré l'explosion spectaculaire du prototype de la fusée Starship? Ça s'est passé mercredi. Starship, rappelons-le, est conçu par la société SpaceX, d'Elon Musk donc, pour faire des allers-retours vers la Lune, peut-être même vers Mars. C'est une fusée navette réutilisable. Elle a été dévoilée en septembre dernier et donc ce premier prototype a explosé au sol au moment où des tests étaient menés pour vérifier la pression cryogénique dans les réservoirs. Alors dans ce cas-là, évidemment, on pousse les systèmes un petit peu loin pour vérifier leur résistance au vide spatial. Et donc là, spectaculaire déflagration, panache blanc. Bon, là, échec, ouais, quoi. Alors, échec. Bon, ça arrive la souvent, société... aussi. Voilà, là, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Elon Musk, que ouais, pendant les essais, il est normal d'avoir ce type d'événement. C'est vrai, sauf que, au départ, quand même, ce prototype devait faire un saut de plus de 20 km. Elon Musk était assez optimiste. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, ça va retarder le programme, parce que le deuxième prototype, lui, n'est toujours pas fini, dans l'usine de Floride. Donc, il faut attendre que ce deuxième prototype soit achevé et que les tests reprennent. C'est un peu la méthode d'Elon Musk, c'est vrai. La capsule Dragon, qui est la première capsule privée, qui doit emmener des astronautes vers l'ISS, n'est pas non plus totalement prête. La NASA espérait les premiers vols pour début 2020, mais voilà, c'est pas encore totalement 100% fiable, donc on va pas mettre des bons hommes en haut de cette capsule. Oui. Carole Châtelain, au sommaire du numéro de Science et Avenir, qui vient tout juste de sortir. Eh bien, les mathématiques expliquent notre monde. Ah. On va donc pouvoir découvrir les lois mathématiques caché derrière les choses aussi simples qu'une fleur du tournesol, par exemple. Nous aussi, on s'intéressera aux mathématiques la semaine prochaine. Merci Carole Châtelain et Sophie Becherel. En deuxième heure, nous allons partir à la découverte des volcans sous-marins avec nos invités, la volcanologue Anne Lefriant et le géologue Eric Humler. Nous nous intéresserons tout particulièrement au volcan en cours de formation au large de l'île de Mayotte. Ce volcan est apparu il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est la première fois que les scientifiques assistent quasiment en direct à la naissance d'un volcan sous-marin. Ils vont nous raconter ce qu'ont révélé les campagnes océanographiques menées sur place. I C'était Fire de Black Puma sur France Inter. Et merci à Pierre Faucillon et Nicolas Cazot qui sont à la technique aujourd'hui. Juste après le flash, plongée à la découverte des volcans sous-marins et plus particulièrement celui en cours de formation au large de Mayotte. À tout de suite.